Chapitre deuxième. Marius n'était pas un grand marcheur. Pourtant, un matin de juillet, s'étant réveillé à l'aube et trouvant le temps à souhait, il résolut par acquis de conscience d'exécuter la prescription du vieux docteur. Il prit son bâton, emplit sa gourde de rhum, et se mit à grimper dans la direction du col de Nantais. Il escalade d'abord avec assez d'entrain le premier plateau, mais quand il eut dépassé le hameau de la Sophase, et qu'il lui fallut gravir des sentiers à pic, sablés de pierres roulantes, il commença de souffler et de suer d'ahan. Il s'obstina cependant, arriva exténué au pâturage du col, puis, les jambes cassées, la poitrine anélante, se laissa tomber tout de son long sur la pelouse. Le vent frais des hautes cimes, l'odeur aromatique des herbes fauchées, le tirèrent peu à peu de son accablement. L'air résonnait de la limpide sonnerie des clochettes des troupeaux et des appels prolongés des pâtres. Devant lui, la tournette élevée haut dans le bleu ses remparts crénelés d'un blanc d'argent, tandis que vers les chancrures du col, des chalets et des granges plaquaient des taches grises sur le fond vert des pâtis. Marius, mourant de soif, aurait bien voulu faire un grog, mais il s'agissait de trouver de l'eau. Il marcha péniblement vers le chalet le plus proche et découvrit enfin ce qu'il désirait. En avant des bâtiments, une belle eau claire, jaillissant d'un tuyau de bois, tombait avec un bruit musical dans une auge creusée au cœur d'un tronc d'arbre. Le poète avait du rhum. L'eau coulait en abondance. Il ne lui manquait plus qu'un verre. Il se dirigea vers le chalet, dont le sol boueux gardait encore l'empreinte fraîche du piétinement des troupeaux. À peine eut-il heurté à la porte qu'elle s'ouvrit toute grande, et dans l'embrasure parut une jeune fille de 17 à 18 ans. Elle était de taille moyenne, encore un peu maigre et nerveuse, mais bien formée. Tête nue avec des cheveux frisottants, retenus par un peigne de corne, elle était vêtue d'un jupon de laine et d'un casaquin de toile bleue, boutonné seulement jusqu'à la naissance de la gorge. Sous le cotillon court, on voyait ses jambes nues et raides disparaître jusqu'à la cheville dans d'informes brodequins à lourdes semelles. Elle avait une claire figure osée très avenante, un front bombé intelligent et des yeux d'un bleu vif très brillant. « Pardon, » demanda Marius, « pourriez-vous me prêter un verre pour boire à la fontaine ?»« Certainement, monsieur, » répondit-elle avec un sourire qui fit luire ses dents blanches. « Entrez donc et reposez-vous, je vais aller vous guérir de l'eau fraîche. » Elle prit une seille et sortit tandis que Marius s'asseyait. Resté seul, il examinait curieusement l'aménagement primitif et très pratique de cette maison de pâtre. Le sol était en terre battue. Le chalet, assez obscur, ne prenait jour que par la porte et par l'orifice d'un foyer à ciel ouvert, dont les pierres rondes composaient l'âtre et dont la fumée s'échappait par une large échancrure du toit de planches. Pour tout mobilier, des escabeaux mal dégrossis, un tronc de noyer vidé supportant les moules à fromage, et une armoire dont le ventail mobile servait de table lorsqu'on le rabattait. Entre ce meuble et la porte d'un dortoir contigu, une image de la Vierge était appliquée au mur, au-dessus d'une rustique étagère bordée de mousse et ornée de deux verres contenant des fleurs fraîchement cueillies dans la montagne. Sur le seuil resté ouvert, des poules venaient picorer en gloussant. La jeune fille qui rentrait avec sa seille pleine d'eau les renvoya vivement. « Excusez, c'est leur habitude, » dit-elle à Marius en lui remplissant à demi son verre. « Est-ce que vous êtes seul dans le chalet ? » demanda-t-il tout en élaborant son grog. « Oh non, mais c'est dimanche. Le père et la mère sont à la grand-messe, à Thônes, et mes frères avec mes sœurs gardent le troupeau en montagne. Vous êtes beaucoup d'enfants. 7. Ça fait une bonne troupe, n'est-ce pas ?» Elle disait cela avec un joli rire qui semblait passer de ses lèvres à ses yeux. Elle parlait simplement, sans timidité comme sans effronterie, avec une assurance cordiale et un air chaste qui contrastait avec le livre négligé de son vêtement. « Vous êtes l'aîné ?» demanda encore Marius. « Non, j'ai un frère qui va sur ses 20 ans. »« Quel âge avez-vous donc ?»« Moi, j'aurai 18 ans, à la Saint-Maurice. Ma sœur cadette en a 16. »« Et vous demeurez tous dans ce chalet ?»« Tous, jusqu'à la fin octobre. Alors nous descendons à Thônes pour l'hivernage. » En causant, elle allait et venait à travers la pièce, écrémant les pots de lait, rangeant les formes à fromage, et tout cela avec une grâce aisée et familière qui séduisait le poète décadent. « Voulez-vous goûter de notre lait ? » dit-elle en lui montrant un pot non écrémé. « Merci, il faut que je retourne à Talloire, » répondit-il. Il se leva et alla regarder le rustique reposoir élevé devant l'image de la Vierge. « C'est vous qui avez cueilli ces fleurs ? » ?»« Oui. » »« Savez-vous leur nom ? » ?»« Pour sûr. les roses sont des cyclamènes et les bleus des gentianes à feuilles en croix. Comme vous êtes savante, où avez-vous appris tout cela? Chez les sœurs d'automne, où j'étais en pension jusqu'à 12 ans. Comment vous appelez-vous? Josette. Josette Bastien. C'est un joli nom. Au revoir, mademoiselle Josette, et merci. Murmura Marius en lui glissant dans la main une pièce d'argent. Elle le regarda, étonnée et rougie. « Oh, monsieur, c'est trop » protesta-t-elle. « Pensez donc, pour un verre d'eau. »« Eh bien, ce sera pour celui que vous m'offrirez encore quand je repasserai par ici. Voulez-vous me donner la main par-dessus le marché ?» Elle lui tendit la main sans faire de façon et lui souhaita bon voyage, tandis qu'il descendait déjà la pente gazonneuse au sommet de laquelle se dressait le chalet. Le soir même, Marius monta au Balmette et en contant à M. Lettraz les détails de son ascension, il s'étendit longuement sur sa réception au chalet et sur les charmes de mademoiselle Josette. Il revenait toujours sur ce dernier point sans se lasser. « Hé hé !» dit le bonhomme avec son rire narquois. « Comme vous vous échauffez en parlant de cette fillette. N'allez pas en tomber amoureux, au moins. Vous perdriez votre peine. Les filles de nos chalaisans ne ressemblent point à vos créatures de Paris. Elles sont très sages et ne se laissent point enjoler par les étrangers. « Amoureux !» répliqua Marius en haussant les épaules. « L'amour, mon cher monsieur, est un poison dont j'ai trop abusé. » et il n'a plus d'action sur moi. » Il retourna néanmoins au chalet 2 jours après et fit connaissance avec toute la famille. Il déjeuna en compagnie de Josette, du père et de la mère Bastien et du fils aîné Morisset. Il trouva au lait, au beurre et au pain des chalaisons une saveur exquise. Au dessert, Morisset alla acquérir son accordéon et régala son hôte d'air du pays, dont l'écho des roches voisines renvoyait comme une caresse les accords affaiblis. Peu à peu, le poète prit la douce habitude de monter au chalet au moins 2 ou 3 fois par semaine et d'y passer une bonne partie de la journée. Les enfants auxquels il apportait des friandises s'étaient familiarisés avec lui. Josette l'accueillait toujours avec son même sourire cordial, et le père Bastien ne s'effarouchait nullement de la fantaisie qui lui procurait les fréquentes visites de ce Parisien. Marius sentait tout à coup lui remonter au cerveau des ressouvenirs de sa petite enfance. Son vieux sang villageois lui courait de nouveau par les veines, dans ce milieu de pâturage et de forêt. Et à mesure qu'il se rapprochait de la terre, il revenait au cœur un confus amour de la vie paysanne. Il s'intéressait aux moindres détails de la fruiterie. Il assistait près du père Bastien à la confection des fromages, ou bien, tandis que les petits frères et sœurs faisaient paître le bétail sur les flancs escarpés du col, il causait avec Josette, qui vaquait aux soins du ménage, et ses amis du chat noir, eussent bien ri. S'ils avaient vu le poète des angoisses penché sur l'auge de la fontaine aider cette fille de pâte à remplir sa seille de sapin, il trouvait à cette existence je ne sais quel air primitif et idyllique qui le transportait en esprit au temps de la Bible ou de Théocrite. Il soufflait là-haut un air autrement pur que sur la butte Montmartre, et dans cette atmosphère imprégnée d'odeurs résineuses, Marius prenait en pitié les mesquines jouissances, les infécondes agitations et les maladives nervosités de la civilisation parisienne. Les navrantes déclarations des poètes pessimistes ne le touchaient plus, et il lisait maintenant plus volontiers Homère que Léopardi. À tout, il préférait encore la conversation de Josette, et à mesure qu'il causait avec elle, il découvrait qu'elle était plus instruite qu'il ne l'avait pensé. Dans cette partie de la Savoie, les écoles sont très fréquentées, et sur ces hauts sommets, pendant les heures où paissent les troupeaux, les habitants des chalets lisent beaucoup. Josette avait des notions très exactes sur toutes les choses de la nature. Avec elle, la conversation ne languissait jamais, et pour être animée, n'avait pas besoin d'être entretenue de cette menue monnaie de galanterie banale que les hommes se croient obligés de distribuer aux femmes de quelque condition qu'elle soit. Une seule fois, une discrète odeur d'amour se mêla à leur entretien. Josette, aidée de Marius, avait jeté des brassées d'herbe fauchées sur un grand drap étendu au milieu du pré, et après en avoir amassé un assez gros tas, elle avait noué les 4 coins du drap sur l'énorme jonchée de foin et s'apprêtait, selon la mode du pays, à porter ce paquet d'herbes sur ses épaules. Mais en s'accotant pour le soulever, elle glissa sur la pelouse en pente. Les coins du drap se dénouèrent, et lorsque Marius, qui descendait déjà, se retourna, il aperçut la jeune fille qui roulait au milieu des jonchées éparses de foin vert. Elle était toute parsemée de brins d'herbe. Elle en avait sur les bras, dans le cou, dans les cheveux. Ses yeux et ses lèvres riaient au travers. Elle avait en ce moment l'attirante beauté d'une antique faunesse, avec je ne sais quoi de chaste et de plus ingénu. Il fallut recommencer le tas. Quand le désastre fut réparé, ils s'assirent tous deux pour reprendre haleine. Marius, encore plus ému qu'essoufflé, ne pouvait se lasser d'admirer ces yeux brillants de Josette, ce sourire éblouissant, ce buste souple et fort. « Savez-vous que vous êtes très jolie, mademoiselle Josette ? » murmura-t-il brusquement. « Je ne suis ni bien ni mal, comme beaucoup d'autres, » répondit-elle. « Non, non, vous êtes vraiment jolie, ne vous l'a-t-on jamais dit ?»« Ma foi, non, personne. » « Eh bien, moi, je vous le dis, » s'écria-t-il entre ses dents serrées, avec une telle vivacité que Josette en fut comme gênée. Elle baissa la tête, s'aperçut soudain du désordre de sa toilette, ramena modestement sa jupe sur ses jambes nues, puis cette fois, enlevant sans broncher le paquet d'herbes sur ses épaules, elle se leva et reprit le chemin du chalet. L'entretien en resta là, et Marius revint assez troublé à Talloire. Quand il reparut au Balmettes, M. Lettras lui adressa des reproches sur le long intervalle qu'il mettait entre ses visites. « À propos, dit-il, et votre jeune fille du chalet, vous ne m'en parlez plus. Et cependant, prétend qu'on me rencontre souvent sur le chemin du Nantais. Oui, je suis retourné au chalet plusieurs fois, et vous ne m'en avez pas soufflé mot. Diantre, savez-vous ce que cela signifie ? Non. C'est que vous devenez amoureux de mademoiselle Josette. » Marius détourna la conversation, mais rentré chez lui, il s'interrogea, s'examina, et finalement s'avoua que le vieux Lettras n'avait pas tort. Amoureux de cette petite pastoure, songeait-il, voyons, est-ce sérieux ? Et où cela peut-il mener ? À la séduire, elle est honnête, et d'ailleurs ce serait une vilainie dont je ne me sens pas capable, si dépravé que je sois. À l'épouser alors, quelle sottise ! On a vu des rois épouser des bergères, possible, mais la chose n'a guère réussi au poète, à preuve Apollon. Il faut couper ce caprice absurde à la racine. Je n'irai plus au chalet, et je quitterai Talloire. Deux jours ne s'étaient point passés qu'il transigeait déjà avec ses belles résolutions. Il ne gravait plus la montagne, mais il ne quitta pas Talloire. L'automne avançait, les raisins noircissaient dans les vignes. Les touristes de l'abbaye étaient partis avec les premières fraîcheurs, et Marius seul restait au village. Un invincible attrait le retenait au bord du lac bleu, où le vent éparpillait les feuilles jaunies des peupliers. Il ne travaillait pas et rêvassait tout le temps. La jeune fille du chalet lui trottait dans la tête, et toujours il la revoyait rouler dans le foin épars, les jambes nues, le rire aux lèvres. Il passait une partie de ses journées en barque sur le lac. Il avait remarqué un certain endroit près de Duin, d'où le regard découvrait distinctement le col du Nantais, avec le chalet de Josette comme une tache grise sur les pâturages verts, et il restait là, des heures à braquer sa lorgnette sur ce point gris dans la verdure. C'était un enfantillage ridicule, il se le disait, et recommençait toujours. Un soir, il apprit que les troupeaux commençaient à descendre de la montagne. Le lendemain, dès le matin, il se mit en route pour le col du Nantais. Il n'y tenait plus et voulait revoir Josette au moins une fois encore. Il montait très vite, pris d'une impatience fiévreuse, de sorte qu'il atteignit le col vers 8 heures. À mesure qu'il approchait du chalet, il remarquait une animation inusitée. Les vaches et les chèvres, au lieu d'être au pâturage, meuglaient et bêlaient autour des bâtiments. Quand il arriva près de la fontaine, Josette, occupée à charger à dos de mulet les ustensiles du ménage, tourna la tête au bruit de ses pas et devint très pâle. « Mon Dieu, c'est vous, monsieur ? » exclama-t-elle. « Je vous croyais parti pour Paris. Non, je suis resté à Talloire. » « Et vous n'êtes plus revenu nous voir ? Vous n'avez pas été malade, au moins ? Non, Josette ? « J'étais retenu là-bas, mais j'ai beaucoup pensé à vous. »« Vous avez une drôle de façon de penser aux gens, » dit-elle en riant. « Un jour de plus, et vous ne nous trouviez plus au chalet. Nous partons tout à l'heure, nous redescendons à Tonne. » Marius la suivit dans la grange pour prendre congé de toute la famille. Puis le père, la mère et le frère aîné commencèrent à pousser le troupeau devant eux, tandis que les petits couraient en avant avec les chèvres. Josette était restée en arrière pour fermer les portes. Marius l'escorta jusqu'à la rampe qui mène à Tonne. Ils étaient tous les deux silencieux et graves. « Allons, adieu, monsieur, » dit brusquement Josette. « Non, pas adieu, au revoir. Vous ne partez donc pas. J'ai changé d'avis. Je passerai l'hiver à Talloire, » répondit-il en la regardant avec une tendresse dont il n'était pas coutumier. La physionomie pensive de la jeune fille s'était soudain éclairée. « Alors il faudra venir nous voir à Tonne, » s'écria-t-elle. « Nous ne demeurons pas dans la ville. » Mais au Malnan, le premier hameau au bord du Fier. Vous reconnaîtrez notre maison à un gros noyer qui est devant et au balcon vert qui court au-dessus de l'avant-toit. Venez, nous vous ferons visiter Tonne, qui est un endroit très gentil. J'irai certainement, dit Marius, que tous ces détails naïfs enchantaient. Les troupeaux descendaient déjà en meuglant, le sentier en écharpe qui longe la tournette. « Allons, au revoir donc, monsieur. Au revoir, Josette. Voulez-vous me permettre de vous embrasser ?» Il lui avait pris les mains et approchait déjà ses lèvres de la joue de la jeune fille. Elle se recula, rougit et secoua la tête. « Non, non, murmura-t-elle, ça ne serait pas bien. » Alors il serra longuement les deux mains dans les siennes. « Je vous aime, » dit-il d'une voix un peu étranglée. « Je vous aime tout plein. » Elle se dégagea vivement et sans rien répondre, elle courut vers le troupeau dont l'étage fauve se rapetissait déjà sur les flancs du pâti. L'instant d'après, les vaches et les chalaisans disparaissaient dans une brume blanche qui rampait le long de la gorge du Malnan, et bientôt Marius n'entendit plus que le son toujours plus faible des clochettes qui tintaient dans l'air humide.